Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 1er février avez-vous choisi? Le 1er février 1954, le jour de l'appel de l'abbé Pierre sur l'antenne de Radio Luxembourg. « Mes amis, au secours » s'écrie-t-il. « Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. » C'était un hiver particulièrement rude. Oui, partout en France, les températures avaient battu des records à la baisse. Et ce n'est pas fini d'ailleurs. L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, qui a créé 5 ans plus tôt les communautés Emmaüs, appelle à la solidarité pour que s'ouvrent des lieux de secours, des centres fraternels de dépannage, dit-il, sur la porte desquels on pourrait lire ces mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». Concrètement, il faut récolter des couvertures, des tentes, des poêles et que sais-je, tout ce qu'il faut. Et les Français répondent à l'appel de l'abbé Pierre? Ah mais comment? Son appel à une insurrection de la bonté, dit-il. Cet appel est entendu, le standard téléphonique explose, les dons affluent. L'abbé a fixé pour point de rendez-vous l'hôtel Rochester. Il n'y est même pas encore arrivé que déjà attendent des bénévoles. Le soir même, on va chercher plus de 2000 personnes qui devaient dormir encore une fois dans la rue pour en abriter d'autres. La RATP va ouvrir 4 stations de métro. Bref, c'est un élan de générosité. Et pourtant, tout reste à faire. Le gouvernement ne va pas tarder à débloquer des fonds pour construire plusieurs milliers de logements. Et bien entendu, la misère ne va pas cesser en France à compter de cette date. Seulement, l'abbé Pierre qui est mort en 2007, vous savez, a prouvé ce jour-là que la générosité, que l'altruisme n'était pas de vain mot. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure consacrée au fils et à la belle-fille de Louis XV, Marie-Joseph de Sarre.